Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Nous levons la main droite et nous dédions ce moment en prière. En alliance avec le travail de Golgotha. Muhagano pamoja na kazi ya Golgotha. En alliance avec le sacrifice des apôtres, des réformateurs et de pères. Pamoja tena na utuaji wa nabii na wa baba. En alliance avec tous les pionniers de cette communauté. Nuagano moja na watimamizi wa iyo tena community. En alliance avec tous les hommes de Dieu qui ont travaillé ici à Source Féconde. Muagano na watumishi wote wa Mungu wanatumika hapa Chemchem la Uzao. En alliance avec le révérend Désiré Mbaye. Muagano pamoja na askofu Désiré Mbaye. Que cette semaine soit consacrée à toi Dieu. Iyo wiki ijitoleye kwa wewe Mungu. Je crie Efrata ouvre toi. Mina lalamika Efrata fungulika. Béni une âme. Bariki manafsi. Sauve une âme. Okoa nafsi. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. J'arrête tout ce qui n'est pas de Dieu. Nashimamisha yote aiko ya Mungu. Et je connecte les âmes et les esprits à toi qui na vit au siècle. Nabatanisha manafsi na maroku wako wewe Bwana. Avec joie nous disons amen. Na furaha tunasema amina. Aidez-moi à saluer une personne. Nisaidie kwa mkia hata mtu mmoja. Dans cette conférence Mulima 30. Hiyo makutano ya Mulima 30. Je bénis le Seigneur qui permet que nous soyons là ce soir. Nabariki Bwana mwenye anaruhusu tuwe hapa jioni. Ça n'a jamais été prévu. Haikukua yenye kupangiwa. Je viens d'une famille, mon père, ma mère étaient de vrais païens. Nakuya kujamala iyo baba, mama walikuya wapagani. Ma présence ici dans cette église ce soir, c'est véritablement une grâce et une bénédiction manifestée. Uwapo wangu nafazi hapa imekuwa tu ni neema yenye kuonekana. Alors aidez-moi à remercier le Seigneur pour cette grâce. Unisaidie kumpikia Bwana asante kwa iyo neema. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette église, notre église. Tunabariki Bwana kwa iyo kanisa, kanisa yetu. C'est vraiment mon église. Inakuya tu ni kanisa yangu. Merci au couple pastoral. Aksanti kwa Josi ya kipastori. Pour l'excellence. Excellence. Pour la vie. Kwa uzima. Pour le sacrifice. Kwa matole. Pour la vitalité, je sens déjà qu'il y a la vie ici. Kwa uzima sababu nashikia pamekuwa uzima hapa. Je sens qu'il y a un travail spirituel qui est fait. Panakuya kazi ya aidez-moi à remercier cela, à reconnaître cela. Unisaidie. Est-ce qu'on peut apprécier iyo cela? Merci. Tunaweza tena kuchapa kofi kwa ajili ya iyo. Alors merci à tous les anciens. Accenté kwa wazee wote. Je les revois encore. Merci que Dieu vous rajoute encore des années. Na waona tena Mungu accenté kisha Mungu aongeze. Accenté kwa kwae. Merci à toute l'assemblée. Kwa makutano mzima. Merci pour votre amour et votre sacrifice. Accenté kwa mapendo yenu na kujitoa kwenu. Alors nous sommes ici dans ce programme Mulima 30. Tunakuya hapa mu makutano ya Mulima 30 avec les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Pamoja na watumishi wa Mungu waliweza kututangulia. En alliance avec leur appel, leur onction. Muagano ya mwito wabo tena. Nous remercions ce qu'ils ont fait. Tunapika asante kwa yote waliweza kufanya. Le premier qui a travaillé. Wa kwanza aliweza kutumika. Le deuxième qui vient de terminer. Wa pili hanamaliza. Le troisième qui vient de commencer. Na watatu hanaanza. Et il y aura les deux autres qui vont venir après moi. Kutakuya wawili wengine watanifuata. Tout véhicule ne peut pas faire une route. Gari yote haiwezi kutembea njia moja. Il y a des Toyota qui peuvent faire 100 à l'heure. Koko magari kama Toyota inaweza kutembea 100 à l'heure. Mais il y a les Caterpillar, eux ne font pas de vitesse, Koko, mais ils ont la force. Caterpillar hiyo haienda kembio lakini imekuwa na nguvu. Chacun de nous a une grâce. Kila mmoja wetu amekuwa na neema. Chacun va faire sa partition. Na kila mmoja atafanya upande wake. Par le fait que c'est le Seigneur qui nous a alignés. Kupitia hivi ni Bwana aliweza kutupanga. On n'est pas en compétition. Nous sommes derrière la grâce de Papa Désiré. Nous contribuons à l'évolution de cette œuvre. Les autres ont peut-être aplani les collines et les montagnes. Moi, je viens seulement comme OVD faire des caniveaux. Par la grâce de Dieu. Avec notre thème, va avec la force que tu as. Partant ce texte, aide-moi à recevoir et acclamer l'interprète. Papa y a travaillé. Moi aussi avec maman. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Que Dieu te donne la force. Amen. Va avec la force que tu as. C'est un très grand sujet qu'on va essayer de parcourir pendant 5-6 semaines comme thème de l'année. Alors, par la grâce que nous avons, je vais commencer aujourd'hui par faire l'aperçu général de ce texte. Les livres des juges. Ensuite, les chapitres 6. Et où nous allons voir les contours de tout ce texte. Jusqu'à arriver au texte principal, va avec la force que tu as. Et là nous allons essayer de voir deux principaux mots qui sont dans ce texte. Les concepts vaillant et héros. Et le concept va avec la force. Chez les Hébreux, ils utilisent deux mots différents. Et on va essayer de voir ça, qu'est-ce que ça veut vouloir nous enseigner. Et puis nous allons voir la force de Gédéon, c'était quoi en fait. Et on va concilier pour que ça nous permette de prier. Et au deuxième point, nous allons voir comment l'homme a perdu sa force. Il y a beaucoup d'hommes sur terre avec des diplômes et des kabelous. Mais hélas, ils ont perdu la force. Depuis quand l'homme a perdu la force? Et quelle est la mission de Jésus-Christ? La Bible dit Christ. Au temps où nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Pourquoi Jésus est mort pour nous? C'est pour nous ramener la force. Et après, au troisième point, nous allons maintenant voir la nature de la force de Dieu en nous. Et enfin, comment pouvons-nous renouveler notre force? Là, on a dit les principes pour renouveler notre force. Voilà, de manière ramassée, le contenu de ma prédication. Je disais au premier point, je vais parler des juges. Commençant par le premier verset. Voir les contextes de ce peuple-là en ce temps. Qu'est-ce qui était arrivé? Et nous allons beaucoup plus nous attarder sur les deux concepts. Et puis nous allons voir demain comment on a perdu la force, même les symptômes de notre manque de force, et comment on peut retrouver notre force. Alors nous prenons le texte, Juge chapitre 6, à cause du temps, nous prenons le verset 12 à 14. Mais à la maison, vous pouvez prendre tous les textes. Si on peut être debout pour faire la lecture de la parole. Merci. Vous avez écrit? Nous sommes dans Juges chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 6, le verset 1. C'est moi qui lis ici ou il y a quelqu'un qui lit? Je peux lire? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Où est-ce que je suis moi là-bas? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. Kwa miaka saba. La main de Madian fut puissante contre Israël. Mkono wa Midian ikakuwa nguvu juu ya Israël. Pour échapper à Madian. Juu ya kuepuka Midian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans le ravin de montagne. Wana wa Israeli waliweza kukimbia mashimo ya milima. Dans les cavernes sur les rochers fortifiés. Tena ndani ya mashimo. Alors nous prenons le verset 6. Tunabeba msali wake wa 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israeli iliteseka sana kwa ajili ya Midian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Nao wana wa Israeli wakamlalamikia Bwana. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Wakati wana wa Israeli walilalamikia Bwana kwa ajili ya Midian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Bwana akatuma nabii kwa ajili ya watoto wa Israeli. Il leur dit. Naye akawaambia. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Je vous ai fait monter d'Égypte. Niliweza kumipandisha kumisri. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Na nikawatoa katika nyumba ya mateso. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Malaika wa Bwana akakuja akasimama pamwaloni ya Joas ilikuwa tena uji ya Abiezeri. L'ange de l'Éternel lui apparit et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Malaika wa Bwana akamtokelea akamwambia niko nawe shujaa. Que Dieu bénisse la parole. Mungu abariki neno lake. Nous pouvons nous rasseoir, acclamons très fort, merci. Tunaweza kuketi na tuchape nguvu kofi. Donnez-moi le cœur pour que j'établisse les contours de ce texte. Munipatie mioyo sababu nipate kuweka hiyo inasemezia hiyo miandiko. Ici, c'est après la mort de Josué. Hapa inakuwa kisha kifo ya Yoshua. Josué n'a pas terminé ou n'a pas fini la conquête. Yoshua asikuweza kumaliza kazi ya kuvuta. Et Josué n'a pas laissé de leader. Na asikuache wasimamizi wakuu. C'est ainsi que commence la période qu'on appelle des juges. Ni hivi kunaanza upande ya wahamzi. C'est la période charnière entre Josué et l'établissement des rois. Inakuya tu ni kipande ya katikati ya Yoshua na kuweka kwa wafalme. C'est une période de crise spirituelle. Upande ya kukosewa ndani ya kiroho. Les textes des juges nous parlent toujours Israël, il n'y avait pas de roi. Kitabu ya waamuzi inatusemezea kukukuya wafalme. Et Israël commençait à se comporter comme il voulait. Na Israeli alianza kutembea vile ametamani. Il n'y avait pas de roi. Hakukukuye wafalme. Chacun faisait tout ce qu'il voulait. Kila mmoja alifanya vile alipenda. Jusqu'à ce que Dieu les livrait entre les mains de méchants. Mpaka wakati Mungu aliwaachilia mikono ya wabaya. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce chapitre 6. Mpaka wakati tunafika moyo msari wa 6. Le texte Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel et répétait plusieurs fois en juge. Imisemo ya kusema Israeli inafanya hiyo akimpendeze Bwana bana irudiria modani ya wamzi. Et quand on obéit pas à Dieu. Na kama atutii kwa Mungu. Dans le texte des juges. Mu hiyo tena tulisoma mu wamzi. Les nations étaient les fouets de Dieu. Mataifa ilikuwa ni fimbo la Mungu. Qui ramenait Israël chez son Dieu. Yenye ilianza kurudisha Israeli kwa Mungu wake. Et nous voyons toujours dans ce texte des juges. Ona paka ndani ya hiyo tulisoma mu wamzi. Le péché apporte la punition. Zambi inaleta mapigo. Mais quand le peuple crie, l'Éternel secourt ce peuple. Wakati taifa inalalamika, Bwana analeta msaada kwa hiyo taifa. Et comment Dieu secourait ce peuple? Namna gani Bwana alianza kusaidia hiyo taifa? C'est en envoyant un juge ou en suscitant un juge. Ilikuwa tu ni wakati atalamusha muamzi. Et il y a eu un moment, il y avait même la crise des chefs. Na wakati fulani kulikosa tena hata wakubwa. Et là nous avons vu Dieu a suscité Déborah. Na tuliona Mungu aliweza kuamsha Déborah. Et le cinquième juge c'est Gédéon. Na tena muamzi wa tano inakuwa ni Gédéon. Alors pour vous qui écrivez premier point. Kwa nini munaandika nukta ya kwanza? Tout péché zambi yote est toujours puni par Dieu. Inapikwa kapaka kwa Mungu. Toi qui es là ce d'après-midi. Wewe unakuja hapa mangaribi. Le verset premier nous parle de toute désobéissance. Mstari wa kwanza inatusemezea kwa kutokutii kote. Fait en sorte que Dieu punisse. Inafanya kusema Mungu apate kupiga. Le péché c'est la honte du peuple. Zambi inakuwa ni aya ya taifa. Le péché c'est la désobéissance aux règles de Dieu. Zambi inakuwa ni kutii kupitia misemo ya Mungu. Et le péché a trois ou quatre conséquences sur l'homme qui les commet. Na zambi inakuwa na matokeo tatu au ine kwa mtu mwenye anaifanya. Il perd les privilèges devant Dieu. Anapoteza hiyo hali ya mzuri mbele ya Mungu. Selon qu'il est écrit dans Esaïe 59. Kufatishana na vile inaandikiwa mu Isaya. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Mkono wa Bwana haiko mfupi. Ni son oreille. Hawa sikio lake. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Lakini ni zambi yenu inaniachanisha. Le péché zambi a pour première conséquence et il érige une barrière entre toi et ton Dieu. Matokeo ya kwanza ya zambi naweka kiachanisho nawe na Mungu. Deux. Ya pili. Le péché zambi consume la conscience. Yo inakula zamiri yako. Toi-même quand tu commets le péché. Hata wewe unatumia hiyo zambi. Même si moi je te prophétise que Dieu va t'élever. Hata mimi nakuya kukutabiri Mungu atakunyanyua. Mais tu dedans de toi-même tu connais. Lakini ndani mwako umejua. Comment tu vis? Namna gani umeishi? Tout péché zambi yote détruit la relation intérieure. Inakata uhusiano wa ndani. Et trois. Ya tatu. Tout péché peut même retarder ta bénédiction. Il y a des gens ici qui ont des véritables promesses. Mais le péché retarde l'accomplissement. Et le péché diminue l'homme devant les prochains. Si tu pèches, tu vas perdre l'autorité. Tu perds la dignité. Si tu es papa Mouviolo, si tu es papa Mouviolo, kama uko ule anatomboshaka o Mouviolo, quel est le conseil que tu vas donner à tes enfants? Nini inakuwa shauri utaleta kwa watoto? Le péché diminue. Zambi inakushusha. Le péché perd ta force dans la société. Zambi inakupotesha nguvu lako. Si on te prend comme parrain, c'est parce que ton témoignage caché, personne n'y a accès. Si tout le monde avait accès dans ton coin là connu, personne ne va te donner le nom. Tu ne peux pas avoir des homos. La valeur de l'homme, c'est sa dignité sur terre. Plus tu es digne. Mais c'est le péché qui détruit. Et le péché nous expose aux esprits. La Bible dit, la plupart des gens pensent que quand ils prient beaucoup, les démons partent. Après 40 jours de Jésus, le diable est venu. Jérémie 50. Le verset 7. La Bible dit, les nations disaient, nous voulons les dévorer, nous ne sommes pas coupables. C'est lui-même qui a abandonné son Dieu. Mon frère et ma soeur, le verset premier nous enseigne que le péché fera que Dieu te livre entre les mains de Madian. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Madian. Mais on nous livre à des choses, à des maladies, à des insomnies, à des manquements, manque de paix. Tout péché dans la vie nous met au fouet de Dieu. Mungu. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, si tu pêches et que tu n'as pas un jugement intérieur, si tu pêches, il n'y a pas un châtiment sur toi, vérifie si tu es encore fils de Dieu. Tout celui qui est de Dieu, toutes les fois qu'il se méconduit, le Saint-Esprit ne sort pas, mais le Saint-Esprit le convainc. Le verset premier nous enseigne la plupart des souffrances que l'humanité a, c'est le résultat du péché. Et quand tu pêches, Dieu enlève sa protection. Dieu enlève sa bénédiction. Il y aura le verset 6. Israël devint malheureux. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes malheureuses. Mariage malheureux. Il a une responsabilité malheureuse. Il a un mariage, mais vous voyez la personne malheureuse. Et il y a 4 ou 5 sortes de malheurs sur terre. Premier malheur, c'est un malheur naturel. Tout le monde, peu importe qui tu auras toujours un coin où ça ne va pas. Ça va toujours, ça ne va pas. Mais plus tu pêches, il y a maintenant le malheur comme punition du péché. Et pourquoi Dieu va dire à Ève, j'augmente la souffrance de tes grossesses. C'est que naturellement Ève devait avoir des souffrances. Mais à cause du péché, on augmente la souffrance. Et 3, il y a une souffrance parce que tu as l'appel. Je viens dire à quelqu'un, à cause de l'appel, certaines choses peuvent se bloquer jusqu'à ce que tu comprennes que tu es appelé. Mais attention, l'appel a une souffrance qui commence que quand tu es sauvé. Si tu constates que tes problèmes sont déjà dans ta famille, ça ce n'est pas l'appel. Ça c'est un 4e niveau de souffrance. Il y a un homme qui règne sur vous et qui vous rend malheureux. Ecclésiaste 8, le verset 9. La Bible dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Si c'est le péché, c'est la repentance. Si c'est naturel, ça c'est fini de soi. Même l'hôpital peut résoudre. Si c'est l'appel, tu verras que toi-même, plus tu vas travailler pour Dieu, plus tu vas comprendre ton appel, tu vas commencer à sentir la paix. Mais si c'est un méchant qui domine sur vous, c'est seulement la puissance de la prière. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si ta souffrance, c'est le fouet de méchants, j'ordonne et je décrète qu'il quitte ta vie. Je parle à quelqu'un. Si c'est un homme qui est à la base de ta souffrance, tu tapes les mains en disant, hey, Yahweh, hey, Yahweh. Plus fort, parce que nous sommes dans Moulima 30. Hey, Yahweh, hey, Yahweh. Tout homme qui est l'auteur de ma souffrance, ce soir, j'arrête ta méchanceté. Tout esprit derrière ma maladie, derrière mon blocage, tu tapes mais tu dis, Léo, toca, toca, toca, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. personne qui m'a vomi le feu, qui vomit la maladie, dès ce soir, tu n'auras pas de primauté. Tu ne me domineras pas. Tape mais tu dis moto toka. Tape moto toka. Donc il y a des gens qui souffrent. Simple, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Merci. Tunaweza kuchapa kofi mzuri. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit. Derrière toute situation immuable. Nyuma ya maali yote mabaya. A changeaki. Il a ibadirike. Donc depuis ce n'est pas naturel. Ile aina tu ya vile na staili kuwa. Ya Madian. Kuna kuya Midiani. Tu vois dans ta famille toute situation uniforme. Jana dani ya jamala yako unaona hali yote ikupaka vile vile. Ce qui est arrivé à ton père. Ile ilikafikiaka baba yako. Si tu commences à examiner, tu vois que ça commence à te pourchasser. Ukichunguze unaona inaanza kukukimbia na wewe inaanza kukufuata. C'est là où la Bible dit. Ni pale Biblia nasema. En Ézéchiel 35. Mu Ézéchiel 35. Le sang te poursuivra. Usema damu itakufuata. J'ai vu quelqu'un dans un village de France. Nika ona mtu mmoja mjijini ya France. Il a quitté Kasenga. Yeye alitoka kwa Kasenga. C'est que j'ai vu chez sa sœur. Ile niliona kwa ndugu yake. Je l'ai vu aussi chez lui. Niliona naye kwake. Le sang le poursuit. Damu ilianza kumufuata. Mais dans ce programme de Muli Matante. Na kwa hiyo matengenezo ya Muli Matante. Je lave ton sang. Na safisha damu. Je lave ton sang. Mi na safisha damu. Le sang des maladies. Stamu le sang des divorces. Stamu tena ya le sang des blocages. Stamu tena ya bifu. Sema ya Yahweh. Hey Yahweh. J'arrête le sang. Na simamisha hiyo damu. Oh oui, il y a des gens comme ça. Kuko watu hivi. Sa mère a été engrossée. Mama yake bali mpatia mimba. Njoo bana mzala dada yake. Et c'est comme ça que sa sœur est venue au monde. Dada yabo nae bali mpa mimba anazala fiston. Leur grande sœur on l'a engrossée, elle a donné naissance à fiston. Mena wo nona ke umunjamulo naanza kwenda. Et toi tu vois aussi dans le chemin que tu es en train de parcourir. Comme tu es là ce soir, vile ukuwa padione. J'engage mon alliance et mon appel. Minaweka mwito yangu na agano langu. J'arrête le sang. Nasimamisha damu. Je te tire de ton sang. Na kukokota. Je te tire de tes vomissements. Na kuondosha tena moyo bidii. Tout esprit pepo yote qui règne sur vous. Inatawala juu yenu. Sema toka. Dike itoke. Sema toka. Toka. Sema toka. Toka. Sema toka. Toka. Je ne vivrai pas comme mon sang le dicte. Je ne ferai pas comme mon père. Je ne ferai pas comme ma mère. J'accomplirai les plans de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort, merci. Chapako fingu votre santé. Et on va en parler, j'estime que Dieu va nous donner le temps. Tout est assez mesia na zania Mungu atatupatia wakati. Toute situation qui ne change pas. Yote ali haibadirike. C'est pas normal. Aina vile na staili kuwa. Tu vois la caricature de votre vie uniforme, une même vie. Un même dessin. Unaona tu maisha yenu yote inakuwa ni maisha paka vile vile. Aina zambi tu. Ushitubu nzambi avankambo arrête. Faut pas aller confesser les péchés des aïeux. Commence à combattre, ça va changer. Mais wanze kuyakombanisha itabadilishwa. Ça va changer. Amen. Il y a des choses qui n'obéissent qu'à la prière. Koko bitu binatini mpaka kumaombe. Il y a des familles. Koko majamala. Tout le monde trouve l'argent avant 30 ans. Watu wote wanapata tout le monde le perd avant 50 ans. Quand on a fikisha 50, on a ipotesha yote. J'ai connu dans notre église une famille. Mukanisa yetu niliona jamala mmoja. Tout le monde chez eux mourait 40 5 à 50 ans. Watu wote mjamala waanza kufariki na miaka 45 au 50. La seule qui a dépassé 50 ans, c'est celle qui a Jésus. Mmoja halipitisha ni ule alikuwa na Yesu Kristo. Ce qui est arrivé aux autres. Ile ilifikia kwa wengine. Ne t'arrivera pas. Haitakufikia wewe. Tu ne suivras pas le même trace. Hautafuata. Toi tu suivras les traces de Jésus. Wewe utafuata tu. Si tu crois tu mets ton amen. Si tu ajoutes tu donnes amen. Ongeza na sema amen. Si tu donnes amen Madian tombe. Leta amina. Si tu donnes amen Madian fuit. Si tu donnes amen, Madian tombe. Tu ajoutes un grand amen, Madian te lâche. C'est là où le verset 7. Il criait à l'Éternel. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Pour certains, répéter les psaumes, c'est une prière. Merci. Kwa wengine kurudiria mzaburi inakuwa ni maombi. Asante. Il se lève le matin. Wakainuka asubuhi bananza mzaburi inakuwa. Je ne manquerai de rien. Shitakosa kitu. Ah, asante. Pour l'autre, c'est notre père. Mwingine inakuya tu ni baba wetu. Notre père qui est aux cieux. Baba wetu liyo mbinguni. C'est la prière. Hein? Ah, ile nakuwa nayo maombi. Merci. Nakupikia tu asante. Parce que Jésus lui-même qui avait donné notre père. Sababu Yesu mwenye alileta iyo baba wetu. À la fin il dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore prié. Mwisho ya yote alisema mpaka hapa hamyaomba bado. Jésus, alors notre père. Yesu sasa ubaba, baba wetu. Yesu. Jésus. On l'avait suivi pour lui dire apprends-nous à prier. Jésus dit OK, si vous voulez prier. Yesu anasema kama mnapenda kuomba. Dites. Mseme. Notre Père qui es aux cieux. Baba yetu liye mbinguni jina lako. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Na amina. Mais dans le grand séminaire de Jésus. Asatena musemina kubwa wa Yesu. Parce que Jean 13, 14, 15, 16. Katika Yohan. De 13 à 17, ça s'est fait un jour. Ilifashika ni kwa siku moja. Où Jésus parle ouvertement des choses de Dieu. Pale Yesu anasema kwa uru vitu vya Mungu. Parce que même les apôtres ont dit tu nous parles maintenant ouvertement. Ata wanabii walisema utusemeze kwa uru. Et il leur dit akawambia hombe. Jusqu'ici vous n'avez pas encore prié. Paka yo wakati ya mwabada kuomba. Mwombe. Votre joie sera parfaite. Na furaha yenu itakuwa ya utele. Si tu veux que ta joie soit parfaite. Kama unatamani furaha yako ikuwe tele na saili omba. La prière. Maombe. Ce n'est pas répéter les paroles. Aina kurudiria mumisi. La prière. Maombe. C'est voyager vers Dieu. Inakuwa ni kusafiri kwa Mungu. Jésus lui-même dit. Yesu ya peke anasema. Baba. Je vais à toi. Minakuja kwako. Car on prie. Wakati tunaomba. C'est aller vers Dieu. Inakuwa ni kwenda kwa Mungu. Et quand quelqu'un prie. Wakati mtu anaomba. Il enlève la main des Madians sur sa vie. Uyo anatasa mikono ya mitani pa maisha yake. Na pokwa ya lelo. Inakuwa le problem si tu cries eh Yahweh, eh Yahweh. Kama unalalamika eh Yahweh, la souffrance de ton père tombe. Mateso ya baba yako yanaanguka. La souffrance de ta mère tombe. Mateso ya mama yako yanaanguka. Si tu me donnes eh Yahweh. Unipatie eh Yahweh. Je vais entrer dans ta vie. Mungu ataingia maisha yako. Je parle à quelqu'un. Nasema na mmoja. Ta souffrance finit aujourd'hui. Mateso yako inamalizika. Dieu est en train de te bénir. Eko na kubariki. Ce qui a tué ton père. Il est riwa baba. Ne te tuera pas. Haitakuwa. Ce qui a bloqué ta mère. Il est rifunga mama yako. Ne bloquera pas. Haitakufunga. Parce que toi. Sababu wewe. Tu connais la bombe. Unajua tena hiyo la prière. Maombi. Si ta mère est morte. Kama mama yako alifariki. Avant l'accomplissement des promesses. Pale ya matimiliko ya ahadi wewe. Parce que tu pries. Sababu naomba. Tu vivras. Utaishi. La gloire. Utaishi. Tu vivras. Utaishi. La bénédiction. Baraka. Tu vivras. Utaishi. L'élévation. Unyanyulifu. La Bible dit. Biblia inasema. Dans le psaume 107. Musaburi 107. Il y a des gens qui disent. Koko watu kasema. Nous, nous avons déjà cru en Jésus. Tu manges ton foufou trois fois le jour. Matin, midi, soir, comme cure. Oui, tu fais juste une petite prière. Et tu t'endors. Moi, Afrique. En Afrique. Et surtout dans ta tribu à toi. Où tu voyais, à chaque fois, il y avait des poudres au niveau de la porte. Tu vois, on prend une poignée de foufou et on met les condiments dessus. Il y a huit deuils, on t'a déjà rasé la tête. Seulement toi. Si tu ne pries pas, kama auombe, tu n'attireras pas la main de Dieu. Autakokota mukono wa Mungu. Quelqu'un dit alléluia. Mmoja anasema alléluia. Et il y a ceux qui disent bon le salut, j'écris en Jésus Seigneur et sauveur, c'est terminé. Wengine wanasema okovu mnesha kumwaminia Bwana Yesu Kristo na inamalizika pale. Sisi ni kulala tu kutanga ya neema Bwana Yesu anatombea. Nous c'est dormir, c'est le temps de la grâce. Merci beaucoup. Psaume 107. Zaburi 107. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ivi nasema wale wali okoliwa kwa Bwana. Ils étaient malheureux. Walikuwa wenye wanesha mais ils étaient malheureux. Lakini walikuwa ils wenye étaient errants. Walikuwa na ils montaient. Walikuwa wanapanda. Ils descendaient. Walikuwa wanashuka. Ils avaient des difficultés. Walikuwa na mais au verset 2, ils étaient rachetés. Lakini kumsari wa pili wao walikuwa. Et dans le psaume 107, na mumustari la solution. Jibu. Ils crièrent à l'Éternel. Waliomba kwa Bwana. Ma sœur. Dada. Cette semaine. Iyo wiki. Ou ce mois. Nous allons crier à l'Éternel. C'est ça mouli matin. Inakuya lorsque nous allons crier. Wakati Dieu va nous délivrer. Dieu va nous bénir. Moi j'annonce à quelqu'un. Kwa mana na tangasia mumoja. Peu importe les degrés de ton péché. Ingawa tena ngufu. Peu importe le nombre de Madian. Ingawa wingi wa mitiani. Peu importe ce que Madian a déjà fait. Ingawa hiyo mitiani iliweza kutenda. Si tu cries. Kama unalalamika la prière attire la miséricorde. Maombi inakokota tena huruma. La prière donne la capacité. Maombi inaleta mauwezaji. Prier. Kuomba. C'est montrer qu'on est faible. Ni kuonesha kusema tuko hatuna nguvu. Prier. Kuomba. C'est demander la faveur de Dieu. Ni inakuwa ni kuomba wema wa Mungu. Et j'informe quelqu'un. Namwambia mmoja. Mon costume peut pourrir. Kochi naweza kuoza. Mais la prière ne pourrit jamais. Lakini maombi hayozake kamwe. Je parle à quelqu'un. Niko nasema na mmoja. Mes dents peuvent tomber. Meno yangu inaweza kuanguka. Mais la prière. Lakini maombi. Haijibu leo attends la prière là. Ça ne répond pas aujourd'hui mais kisa yake itajibu. Je viens bénir quelqu'un. Nakuya kubariki mmoja. Maombi yako shakufanyaka. La prière que tu as déjà eu à faire. Mungu wangu haijibu. Que mon Dieu puisse répondre. Mungu wangu akujibu. Que mon Dieu puisse te répondre. Maombi ya muli matra. La prière de Mouli Matran t'apporte la victoire. T'apporte la bénédiction. T'apporte la consolation. Alléluia. Amina. C'est ce que la Bible va maintenant nous dire. Joy, le Biblia taweza kutuambia. La prière instante. Ou la prière fervente. Ou la prière de la foi. Maombi ya imani. C'est qu'on peut. Il y a des gens, il est en prière. Kuko watu wanakuwa ndani ya maombi. Ugu Jehovah. Tu es Jehovah. Mungu wa yulu sana. Tu es le Dieu très haut. Oh Mungu mkubwa. Eh hey, Dieu grand. Shakapanga. Shakapanga. Pandangila. Pandangila. Ça tu fais comme Bartimé. Unafanya kama Bartimayo. Fils de David. Mwana wa Daudi. Fils de David. Mwana wa Daudi. La prière d'adoration. Maombi ya mahabudu. Fait arrêter Jésus. Mushimamishe mbele Yesu. Jésus s'arrête. Yesu anashimama. Et puis il t'appelle. Na kisha anakualika. Ce n'est pas quand tu dis. Haina kama unasema. Alpha Omega. Mwanzo na mwisho. Il va te répondre comment? Hata kujibu namna gani? Que veux-tu que je fasse? Unatamani nikufanishie nini? Ça s'appelle maintenant requête. Ile inakuya tu sa ni maombi. Il y a des gens qui ont fait 10 jours en prière mais il n'a jamais demandé. Kuko watu wanafanya masiko 10 maombi lakini hawala. Mais cette semaine. Lakini wiki huyu. Et ta prière. Na hombi yako. Et ton adoration. Na maabudu yako. Et ta supplication. Na hivyo kusika. Dieu va répondre. Mungu atajibu. C'est une maman qui est en train de lessiver. Ni mama bomoja eko na fula tu. L'enfant pleure. Mtoto analia. Ah. Ay, kala kimya kule. Elle continue. Mtoto analia. L'enfant est en train toujours de pleurer. Lorsque l'enfant aura à crier, maman va arrêter. Vous allez regarder qu'est-ce qui se passe. Ton intensité dans la prière va faire arrêter Dieu. Comme on n'en est pas, amen, Dieu s'arrête. Quand tu me donnes amen, quand mon nom des amen, Dieu commence à venir chez toi. Si tu ajoutes amen, mon gars vous saillit. La prière ôte la mort. La prière ôte la malédiction. La prière ôte la stérilité. La prière change. Vous allez constater. Entre les églises pentecôtistes, de manière générale. Pentecôtistes de réveil charismatique comme vous voulez. Avec les églises des missionnaires qu'on avait laissés. Vous allez voir que dans les églises des missionnaires, ils ont déjà les bâtiments construits. Il n'y a pas la vie. Regarde, je suis entré dans une église, tu regardes le pasteur, tu t'es dit qu'il est déjà ensorcelé. Il a déjà oublié, il met une chaussette blanche et une chaussette rouge. Et il est en train de chanter un cantique, un chant des livres. Des bons théologiens. Mais l'impact sur la cité. Mais les églises d'il y a 20 ans. Il y a des hommes de Dieu qui y naissent. L'impact dans la cité. Pour dire, si tu t'attaches à Dieu. Vous êtes des armes. Si vous n'êtes pas attaché à moi. Vous ne pouvez pas produire. La prière, c'est un sentiment de chine en angouvou. J'ai pas de force, Dieu. Je viens dire à quelqu'un. Si tu vois dans ta famille un homme qui a beaucoup d'argent venir chez toi te saluer. C'est le petit frère de Jésus. Makuta. L'argent. C'est la suffisance, non? Il va venir faire quoi chez toi? C'est toi qui dois venir auprès de lui et prendre. Si tu vois quelqu'un, il va toujours te dire, oh, ok, ah non non, datina, tu les as mis ta couille, calme-toi, je viens. Il a ses amis, il a le temps de tout faire. Donc la prière, ma ombi, c'est l'expression d'une faiblesse devant Dieu. C'est l'arme que nous avons. C'est la prière. Toi qui es dominé par Madian. Dans cette semaine. Nous allons crier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons nous asseoir par terre. Nous allons nous agenouiller. Nous allons dire Seigneur change ça. Seigneur pardon. Pardon Seigneur. Il y a des gens qui savent prier. Elle vient de l'hôpital. On va couper les trompes, les myomes, et les quoi? Les trompes, les quoi? Les matrices, tout ma trompe, yote, tout abicata. Pourquoi? Tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas pas enfanter. Pourquoi je ne vais pas enfanter? Et il lui dit que ça va te tuer. Opération samedi. L'opération est prévue pour samedi. Que mardi. Mettez ça le mardi. Je pars. Elle je m'en vais. Chez elle. Anaru di quoi que? Dani ya lupango lake. Amenyanyua mikono yake juu. Chini ya mvula. Akaanza kumuita Mungu. Akaanza kuita Mungu. Elle appelle Dieu. Anaita Mungu. Mardi on rentre. Mardi tunarudi. On examine. Wanangarishisha. Il n'y a rien. Hakuna kitu. La prière. Hombi. Est-ce que chakomba we? Tu as déjà prié toi? Est-ce que chakomba? As-tu déjà prié? Parce que d'abord la prière, chacun a une coupe à remplir. Maombi kila mmoja anakuya tu na kope na anaweza kujaza. On les a donné les coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bariweza kuwapatia mambilika yenye kujaa hata na maparfum na kwa maombi ya watakatifu. Chaque récipient c'est ce qu'il fait et où il va. Kilambirika ilijua nini inafanya na wapi iko naenda. Nous sommes à la station d'essence. Tunakuya kule ku station ya essence. Même ni moto. Même si c'est la moto. Mingu na moto. Mange la moto. Je donne seulement 5000. Weka carburant. Na leta tu 5000 francs unyeke carburant. Et je m'en vais. Mais moi je suis une un track. Na mimi nakuya tu ni track munene. J'attends. Mina subiri. On me charge. Parce que je vais jusqu'à Johannesburg. Sababu minenda kufika paka le nombre de prières montre la situation dans laquelle tu es. Inaonesha ali malheureusement, il y a des gens qui souffrent. Wenye ole kuna kwa watu wameteseka. Naja nalala msalon. Même hier il s'est endormi au salon. Na kesho atalala msalon. Et demain aussi il fera la même chose. En décembre 2026 atalala mu cuisine. Même en décembre 2026 il sera maintenant à la cuisine. Il est en train juste de s'arranger. Papa, la prière change de situation. Maombi na badilisha mahali. Si tu prends décision pendant ce mois, ukichukua mpango kwa mwezi, comme Israël, kama Israël, il a crié, alilalamika, et Dieu a envoyé un prophète. Tuma nabi. Quand tu cries à Dieu, wakati unalalamika kwa Mungu, Dieu envoie la parole. Mungu anakutumia neno. Et le prophète arrive. Nabi anakaribia. Il dit, je vous avais dit quoi? Na yakasema nikamwambia nini? Vous avez péché. Mulitenda zambi. Je vous ai fait monter d'Égypte. Niliweza tena kuipacha ku Misri. Si tu commences à beaucoup prier, ukianza kuomba zaidi, Dieu va te mettre dans un conseil d'un pasteur. Mungu atakuweka mu mashauri ya mtumishi. Dieu va te donner quelqu'un qui va te donner une direction. Mungu atakupatia mtu mwenye atakupatia. Toi qui as prié, wewe uliomba. Passe dans mon rêve. Unapitia kwa passe dans les rêves de papa Désiré. Pitia kwa passe dans les rêves de maman Alvin. Pitia passe dans l'orientation prophétique de quelqu'un. Pitia tena. Dieu va te dire. Mungu atakuambia. Mon fils fais ça. Mwana wangu fanya hivi. Arrange là-bas. Tengeneza pale. Et tu auras la paix. Na utapata. Quand quelqu'un prie, kama mtu anaomba, Dieu va envoyer un prophète. Mungu atatuma nabi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a aimé? Il acclame très fort. Umoja anapenda anaweza kuchapa kofi nguvu. Puis, kisha, vint kuna kuja l'ange de l'Éternel. Vous voyez le cheminement? Malaika wa Bwana. Munaona vipi kunaendelea? La souffrance, la prière, le prophète, l'ange. Na malaika. Pour dire, juu ya kusema, tu souffres, tu pries, unateswa, unahomba, Dieu va envoyer la parole. Mungu atatuma neno, et la parole balise les chemins du surnaturel. Na neno inafungula manjia kwa comme on a déjà prié depuis le début du mois. Hivyo tunashakuomba tangu mwanzo ya mwezi. Ndoto yako igeuke. Que ton rêve se change. Commence à voir des choses que les autres ne voient pas. Uanze kuona vitu vile je bénis ton sommeil. Na bariki usingizi wako. Je bénis tes contacts. Na bariki que les gens yako voient ce que tu dois faire. Watu waone ile que les gens te donnent des directions. Watu wakupatie manjia. Demande donne-moi, amen. Que Dieu te donne des directions. Mungu akupatie manjia. Il y a des choses que j'aime, c'est-à-dire tu n'y penses même pas. Mais Dieu me donne le nom de quelqu'un. Tu vois tel frère. Il a tel problème. Qu'il fasse ça. Il aura la réponse. Tape les mains en disant hey, Yahweh, hey, Yahweh. J'écris à toi. Envoie-moi un prophète. Envoie-moi un pasteur. Donne-moi un rêve. Donne-moi une orientation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et puis l'ange apparaît. Na malaika anatokelea. Nous sommes maintenant à notre verset. Tunakuya mu msari yetu. Et l'ange malaika va entrer dans qu'on appelle les térébintes. Na malaika kaingia kule anaita chini ya mwaloni. C'est ce qu'on dit. Ile wanasema. Et puis l'ange vint. Na malaika nakaribia. Attention. Kibange. Un peu plus tard on dit et l'ange apparaît. Na kisha tukiendelea wakasema malaika anatokelea. Ce sont les deux présences de Dieu. Iyo ni mawapo mbili ya Mungu. Matthieu 18:20. Là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est là. Pale wawili watatu wanakuya, Bwana yuko pale. Comme ce soir, est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu? Kama dioni ya leo tunaweza kuchapa kofi kwa uwepo wa Mungu. Dieu ne nous croise pas n'importe où. Na Mungu asikutane nasi fazi lolote. Dieu nous croise dans les terebentes. Mungu anakutana nasi chini ya mwaloni. Et dans les terebentes, on va en parler, il y a trois mystères. Na chini ya mwaloni kuna kuya vitu tatu tutaisema. Premier mystère. Siri ya kwanza. C'était l'héritage de Gédéon. Ilikuwa ni urithi ya Gideoni. Et pourtant au verset 2. Kumsani ya pili. Tous les enfants d'Israël fuyaient. Watu wa Israeli wakaanza kukimbia. À cause des problèmes. Kwa ajili ya mashida. Mais Gédéon. Lakini Gideoni. Malgré l'oppression. Hata waliweza kumshinda. Lui est resté dans l'héritage de ses pères. Alibakia muurithi ya baba zake. Je viens annoncer à quelqu'un. Na kuya kutangazia mmoja. La vie n'est pas rose comme tu penses. Maisha yako ina vile unasania mzuri. Même ceux-là que tu vois à la télé là. Hata wale unaona ku TV. Ils ont aussi un coin de leur vie où ça ne va pas. Nao wanakuya na fazi moya maisha yao haiendeki. Moi qui te prêche ici ce soir. Hata mwenye nakuhubiri dioni. Quand je suis ici devant. Hivi niko hapa mbele. Je te présente que tout va. Minakuonesha kusema yote inaendeka. Avec mes lunettes. Na makalashi yangu. Avec mon petit costume. Na kochi yangu. J'ai l'air que tout marche. Minakuya ninaonekana kama yote inaendeka. Mais un coin de ma vie. Lakini kuko fazi moja sehemu ya maisha yangu moja. Je pleure la nuit. Niko nalia usiku. C'est peut-être mon fils qui me fait pleurer. Inaweza kuwa ni mwanangu ananililisha. Mais le problème. Lakini shida. Ne va pas dans des ravins. Hapana kwenda mumashimu. Ne fuis pas dans les montagnes. Usikimbie kumilima. Sois Gédéon. Kuya kama reste fidèle. Bakia mwaminifu. Loyal. Bakia mwaminifu. On te repente de ton père. Kwa mwaloni ya baba yako. Ça peut faire 3 ans. Inaweza fanya miaka 3. Unatoa. Unejitoa. Tu t'es donné, tu as donné des offrandes. Unakolope kanisa we moya mama. Tu as pu t'ensonner toute seule cette église. Et toi tu penses que c'est le dimanche que la solution va venir. Unazania kusema ni mchuma jibu itaweza karibia. Non. Hapana. Toi prie encore. Endelea kuomba. Reste fidèle. Baki mwaminifu. Dans ton terebent. Chini ya mwaloni wako. La Bible dit dans Esaïe. Biblia nasema Isaïe. Le terebent. Mwaloni. 61. Esaïe 61. Isaïe 61. Que c'est une plantation où on sert Dieu à sa gloire. Inakuwa ni fazi yenye banamtumikia Mungu kwa utukufu wake. Je sais que tu pleures. Najua kusema unalia. Je sais que même hier là tu as pleuré. Najua na jana uliweza kulia. Reste à cette plantation. Wewe bakia pa hiyo fazi. Sois fidèle. Kuya mwaminifu. Ne va pas dans des ravins. Hapana kwenda mumashimu. Ne fuis pas ton pasteur. Usikimbie mchungaji wako. Ne fuis pas ton église. Usikimbie kanisa yako. Ton héritage c'est ici. Urithi wako ni hapa. Même dans l'église du prophète là où tu vas. Hata mkanisa ya nabii kule unaandaka. Il y a même l'interprète qui a encore un problème. Pana kuya hata mtafsiri naye anakuwa na shida. Va dans l'église là où il y a le tic-tac. Wende mkanisa kule kuna kuwa tic-tac. Et puis tu vas apprendre que le prophète lui-même a le diabète. Utelewe kusema pour dire que dans chaque vie, il y a toujours un coin où ça ne va pas. Même celui que tu vois à la télé là, entouré de généraux, entouré de que je ne sais pas. Si tu as la chance de parler avec lui, il te dira que Mais comment on a tourné la Kubantu? Mais quand il est devant les gens. Bonjour général. Jambo général. Mais général déjà compliqué. Mais sa femme l'a déjà compliqué. Hein? Qui n'a pas de problème en ces lieux? Tu es encore sur terre, non? Ou Kopa Udongo? J'ai vu un homme d'affaires. Niliona mtu mmoja wa biashara. Pasteur. Monsieur mon chungaji. Pasteur. Chungaji. Ma coûte. L'argent. Niko nayo. J'ai l'argent. J'ai une maison en Afrique du Sud. Niko na nyumba ku Afrique du Sud de Zimbabwe, ku Maroc, ku Kinshasa, ku Mbujimayi, ku Lubumbashi, j'en ai de trop. Sa banamke bona ni kataria nini? Mais pourquoi les femmes sont en train de me rejeter? Bibi yangu abatoto. La mère de mes enfants ni limu payote. Anakimbi. Elle a pris fuite. Papa, niko na makuta. J'ai l'argent, père. Bananiwa. Hey, on me connaît. Mina sabon. Je lui ai dit. Anina ubeba mama wa mashu. Il est allé prendre une maman qui vend les légumes. Ala mwanja mama yam. Elle lui dit, bonjour maman. J'aimerais t'épouser. Et cette maman lui dit, tu as un problème avec moi. Et il lui dit que je suis très sérieux. Il a arrangé cette dame, il l'a très bien arrangé. Cette maman aussi a pris ses histoires et elle a fui. Que tout le monde dans un coin de sa vie, il a toujours un sujet de prière. Il y a personne qui n'a pas de sujet de prière, il est devant Dieu charismatique là. Qu'est-ce que je veux demander? Qu'est-ce que je veux prier? Je veux juste l'adorer. C'est pas un problème. Il y a certaines personnes, si le problème d'argent, il n'achète quoi. Est-ce que monsieur, est-ce qu'on peut avoir 300 000? Tu n'as pas 300 000? Elle même n'appelle même pas 1000, il dit 300 unités. On a chiffré, on a minimisé. 500 minutes. 500 unités. Est-ce que je peux avoir 500 unités? Il n'y a pas 500 unités, ni 500 000 dollars. C'est 500 000 dollars qu'il est en train d'appeler 500 unités. Et puis, ok, ça va, passe le soir. Et il lui dit, où t'as pris ta mangari bitou? Maya Zalak. Il n'a jamais donné naissance. Le visage que tu as, c'est un sujet de prière. Il a quoi, Tony? Shinayama Ombi. Père, ouvre le chemin. Ouvre, Père. Il y a certains, c'est à l'instant même. Anaïta, hello, how are you? Fine. Au combien? Dio, ok. Tomorrow, morning. Yes, yes, tomorrow. Oh, ok, Léo. On t'envoie et puis tu as ton visa. Tu commences à sourire. J'ai beaucoup souffert dans la prière pour avoir ça. C'est comme un prophète, il voit une maman, il dit. Je vais prier pour toi pour que Dieu te donne des connexions même à la présidence. Mina pena kukombea Mungu akupatie mahusiano hata ku présidence. Oui, présidence inakushotosha baba. Toi la présidence te fait quelque chose papa. Mwenye prophète la mshanga. Mais le prophète s'étonne. Chunga ni te raisi. Attends, j'appelle le président. Raisi abargani. Comment tu vas président? Tanzanie mule abargani. Asante sana. Nina mhubiri moya hapa nilipenda kwa kuombe. Je mhubiri nzongari. Lui, c'était une prophétie. Mais la maman est en train de lui donner cela. Ne va pas dans des ravins. Ne va pas dans les montagnes, toi-même tu mets les mains. Reste dans les térébentes. Les térébentes attirent l'ange. Les térébentes attirent les surnaturels. My God, my God. Les térébentes attirent la puissance de Dieu. Toi qui es ici, je te dis et j'ordonne. Bientôt là, tu auras des rencontres spirituelles. Bientôt là, tu auras des personnes qui changeront ta destinée. Toi qui n'es pas sorti de cette église, malgré les pressions, malgré la haine, malgré les problèmes, je t'informe. Bientôt là, il y a un ange qui entre. Bientôt là, il y a une gloire qui entre. Tu me donnes, amen, reçois la gloire. Tu me donnes, amen, reçois la gloire. Tu ajoutes, amen, reçois la gloire. Et l'ange apparaît. Il y a des choses à faire pour que l'ange ne vienne pas, mais qu'il apparaisse. On va en parler, je ne sais pas. La plupart des chrétiens, même au mariage là, kuko wa Kristo wengi hata katika ndoa, la pression est là, je sais. Banakuya tunabasurutisha mina juu. Ce n'est pas le mariage de tes rêves. Aina ndoa ya ile ulizania. Reste dans tes terebentes. Bakia chini ya yomolo. Sois fidèle à l'héritage de tes pères. Kuya tena mwaminifu kwa urithi ya baba zako. C'est le lieu où on a enterré tous ses pères. Ni fazi badizika wa baba. Il est resté là. Yeye alibaki pale. Il y a une histoire avec son se féconde. Tu as un parcours avec les pasteurs désirés. Reste. Reste. Reste. Travaille là-bas. Continue à aller là-bas. Ne fouille pas. Tu auras des rencontres. Amina. La plupart des personnes parmi nous. La Bible dit. Psaume 133. Il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Inakuwa ni mzuri wa ndugu waketi fasi moja. Ton adresse c'est là où on demeure ensemble. Ton adresse. C'est ici, on doit demeurer ensemble. Ni hapa ndio anwani tunapasha kubaki pamoja. C'est là. Ni pale. Que Dieu envoie la bénédiction. Mungu anatuma baraka. Toi qui es ici. Wewe uko hapa. À cause de ta fidélité. Kwa ajili ya uaminifu wako. À cause de ta loyauté. Kwa ajili ya hivyo. À cause de ta persévérance. Kwa uaminifu wako na kuendelea kwako. Crie très fort alléluia que Dieu t'envoie. Un surnaturel. Reçois la visitation des anges. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Dans ce moulin matant. Reçois maintenant la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Et dans cette visitation. Il te donne une identité que tu ne connais pas. Il dit vaillant. Musuja. Il y a des personnes ici. Kuko watu hapa. Ont une identité qu'on ne sait pas encore. Wanakuya tu na ile utambulisho hatujua pale. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Dans ce mulima tant. Kwa hiyo mulima tant. Reçois l'apparition. Pokaya kuonekana. Reçois la visitation. Pokaya tena kutembelea. Et la visitation. Na hiyo kutembelea. Féconder. Italeta uzao. La nature cachée. Bumutu bwenye bwenye kukuchapa. Je viens dire à quelqu'un. Nakuya kuambia moto. Ce sont les choses que l'œil n'a point vu. Ni bitu vile jicho alikuwa. Que l'oreille n'a point entendu. Lisikio haikusikie. Qui ne sont jamais montés au cœur. Hayapandaka kamwe kwa moyo. Même ton père ne t'a jamais nommé. Hata baba yako asiyakupa. Même ta femme t'a appelé seulement chérie. Hata mke wako anakuita tu chérie. Mais ne t'a jamais nommé. Lakini asiyakupa jina. Mais l'apparition. Lakini kuonekana. Que tu vas subir dans ces moulins matins. Va t'appeler. Vaillant héros. Vaillant héros. Dans cette salle. Il y a des personnes. Sans souliers. Sans passeport. Mais ce sont des vaillants héros. S'ils sont là, ils me donnent amen. Ils me donnent amen. Ils me donnent amen. Ils me donnent amen. Ils me donnent amen. L'Éternel est avec toi. La force de Gédéon. Les autres fuyaient. Mais lui est resté fidèle. L'Éternel est avec toi. Puis Gédéon dit. Si l'Éternel est avec moi. Kama Bwana ni si l'Éternel est avec nous. Kama Bwana ni pamoja nasi. L'ange dit l'Éternel est avec toi. Malaika nasema Bwana ni pamoja nawe. Gédéon ne réfléchit pas moi, il réfléchit nous. Gideoni asiwaze mimi lakini anawaza sisi. Quand quelqu'un a un cœur communautaire. Kama mtu anakuya na roho ya watu wote. Ça va permettre à l'ange de tourner vers lui. Itamruhusu malaika hamugeukie. Nous avons des gens ici. Dans toutes leurs prières. Moi. Mimi. Un verbe est conjugué à six personnes, je pense. Hein? Dans les six personnes. L'homme n'est intéressé qu'à deux personnes. Binadamu yeye anangalia tu ni watu wawili. Mimi. Et nous. Na sisi. Toutes les autres personnes, c'est les autres. On ne conjugue pas les verbes je mange, je mange, je mange, je mange. Atusema que verbe minakula, minakula, minakula pana. Dans la vie. Mumaisha. Tu trouves Dieu pour les autres. Unakuta Mungu kwa ajili ya wengine. Gédéon. Gideon. Le secret qu'il a fait qu'il réussisse. Siri yenye ilifanya pate kuweza. L'Éternel est avec toi. Bwana ni pamoja nawe. Lui il dit si l'Éternel est avec nous. Yeye anasema kama Bwana ni pamoja nasi. Abraham. Ibrahimu. Il a reçu la promesse. Alipokea ahidi. De mettre au monde. Ya kuzala. Depuis Genèse 13. Tangu mwanzo sura yake. Mais il n'a jamais mis au monde. Lakini asiyazalaka kama. Il arrive dans Genèse 20. Anafika katika mwanzo 20. Il trouve les stériles. Pale anakuta watasa. Dans Genèse 13. Mu Genèse 13. Il y avait des stériles. Kulikuya watasa. Il n'a pas prié pour eux. Asikuwaombeye. Dans Genèse 20. Mais mu mwanzo 20. Il prie pour les stériles. Akaombeya watasa. Genèse 21. Genèse 21. Et Dieu se souvient de Sarah. Na Mungu akamkumbuka Sarah. Tu veux que Dieu te utilise. Unapenda Mungu akutumie. Ne prie pas j'ai. Hapana kwamba mimi. Ne prie pas moi. Hapana kwamba mimi. Prie nous. Omba sisi. Et remplis-moi et les gens vont me sentir. Ils vont me sentir. Remplis-moi, Père. J'aurai à punir les gens. Donne-moi de profondeur. Donne-moi de profondeur. Et Dieu te regarde. Dans la Bible, on parle de deux plantes, le narcisse et le lys. Vous allez voir que le narcisse, depuis Cantique, on n'en parle plus. Mais Jésus dit les lys, même Salomon n'a pas été vêtu comme ça. Narcisse, psychologiquement, ça parle d'une plante introvertie. Il aime lui-même. Lui, c'est lui-même. Et dans la mythologie, on parle chez les Grecs qu'il y avait un garçon qu'on appelle Narcisse. Tellement il était beau. Et quand il se regarde dans les eaux, il se voit comment il était beau. Et il s'est noyé. Je parle bien là. Logie, hein? Et puis il y a l'arbre qui est sorti qu'on appelle Narcisse. Narcissique veut dire un homme qui s'aime. Ni kusema un mtu homme qui ne pense qu'à lui. Mais les lys, si parmi les épines, hata katikati ya c'est cette plante-là que Dieu a glorifié. Prie pour les autres. Même dans notre Père qui est aux cieux. Hata mubaba uliye mbinguni. Ça ne commence pas, donne-nous. C'est quelle prière tu commences par? Tu ne me vois pas? Que je prie de quelle manière? Tu vas me perdre, Père. Ah, Dieu, tu vas me perdre. Je te donne un délai. On ne prie pas de cette manière. On commence par que ton nom. Que ton règne, que ta volonté, ma penzi yako, sur la terre, pa udongo, kama tu finis d'abord la part de Dieu. Le diable, c'est à la fin. Toi, tu commences directement. Père, tout esprit, je dis tout esprit. Gédéon, parle-nous. Gideoni anasema sisi. Commence à changer tes attitudes. Anza kubadilisha hali yako. C'est comme les mamans. Inakuwa kama mama. Tu la prends, tu la conduis au restaurant. Unamubeba, unampeleka fazi ya kukulia. Commande le menu. Banaleta menu. Ni ngapi? C'est combien? On fait plus ngapi? Toi tu veux prendre pour combien? Yo te ça. N'importe non. Batote. Les enfants à la maison. Pika mikono ba mama. Tu vas clamer pour les mamans. Batot. Les enfants à la maison. On pense nous. Quand tu pries, demande Seigneur. Si tu me donnes, je vais te servir. Guéris-moi. C'est pour ta gloire. Et si Dieu le voit comme ça, l'Éternel est avec toi. Mais lui dit, si l'Éternel est avec toi, c'est que Gédéon portait les fardeaux de son peuple. Est-ce qu'il y a des Gédéons ici ce soir qui portent le fardeau de sa famille, qui portent le fardeau de son pays, qui portent le fardeau de notre église? S'ils sont là, ils acclament très fort. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Voilà les sentiments qui étaient en Gédéon, nous voulons prier. Je n'ai fait que 40% de l'introduction, mon Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous pouvez acclamer très bien? Première prière. Tout péché connu ou inconnu, tant que tu ne l'as pas confessé, il réclame ta vie. Tu avais touché au fétiche. Tu y as toi-même jeté. La pression de ce péché te réclame encore. Tu as fait quelque chose et puis tu as laissé toi-même. Quelqu'un peut-il marcher sur le feu et ne pas être brûlé? Non, on commence d'abord par réparer le péché. Nous sommes debout, s'il vous plaît, si vous en avez la force. Nous commençons une prière de résoudre le premier verset. Nous demandons à Dieu, oh Dieu, dans mon ignorance, dans ma jeunesse, dans mes pressions de la vie, dans plusieurs problèmes, Seigneur, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Si tu commences à prier, commence déjà à prier. Dieu va réparer tes péchés. C'est très important. Prie. Quelqu'un peut prier. Prie encore. Je crie à toi. Parce qu'on avait péché. Sababu tulitenda zambi. Voilà ce qui explique le malheur qui te poursuit. Ona inye olo iko, ole iko na kufata fata. Dieu vient de te pardonner. Mungu anatokea kusamea. Dieu vient de te pardonner. Acclame très fort pour le pardon de Dieu. Chapa kofi, sababu anakusamea. Maintenant, nous voulons dire à ces méchants qu'il me fait souffrir. Tunapenda à cet esprit. Qui vomit les problèmes que tu sens, que tu subis. Anatapika mambo yenye kuna ishi. Ta solution est ici ce soir. Jibu yako ni apa dioni. Tu fais la prière fervente de foi. Unafanya ni iyo maombi ya imani. Le combat spirituel. Ukomvi tena wa kiroho. On ne s'adresse pas à Dieu. Sisi atuseme na Mungu. Mais on utilise ce que Dieu a dit. Lakini tunatumia yenye Mungu alisema. Pour ordonner au problème. Juu ya kuruhusu kumashi. De lâcher. Tu tapes les mains. Tu dis aux méchants qui produit la stérilité, qui produit la pauvreté, de lâcher ta vie. Tu tapes les mains, tu pries. Tu tapes les mains, tu pries. Tu tapes les mains, tu pries. ce yacht qui produit la misère, le malheur. Madian, tombe. Madian, tombe. Madian. Prie. Prie. Prie. Prie. Quelqu'un peut prier. Tape les mains, ordonne. Tape les mains, ordonne. Tape les mains, ordonne. À cet esprit, à cette situation, à la maladie, délâchez, délâchez, délâchez. Prie encore, prie encore, prie encore, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie encore, parle à cet esprit, délâché, parle à cet esprit, délibéré, parle à cet esprit, délibéré. Maombi pandisha, tu es un mulima 30. Panda, panda, panda. Pika mikono naomba, panda. Parle, panda, prie. Panda, prie. Prie encore, prie. Prie, prie, prie. Prie. Derrière toute situation têtue, il y a un esprit. Derrière toute circonstance immuable, il y a un esprit. Derrière les maladies incurables, il y a des esprits. C'est à toi d'utiliser les pouvoirs. Ordonne à cet esprit-là. Maintiens, lâche ma vie. Table mes prières. Table mes prières. Table mes prières. Table mes prières. Table mes prières. Double mes prières, double mes prières. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Esaïe chapitre 9, le verset 4. Esaïe 9, msari wake wa 4. Car le joug qui pesait sur lui, nira yenye ilikuwa na uzito juu yake, le bâton qui frappait son dos, bakora ilianza kupika mkongo wake, la verge de celui qui l'opprimait, na bakora ya ule alianza tena, tu les brises, unayafunja, comme à la journée de Madian, kama kusiku ya Midian. Pourquoi? Car un enfant nous est né. Sababu mtoto anatuzalika. La naissance de Jésus. Uzaliko tena wa Yesu. Vient briser les jougs. Inakuya tena kuvunja manira. Vient briser les bâtons. Inakuya kuvunja tena mabaton. Mitiani. Avec trois instruments. Ilikuya tena na vyombo vitatu. Le joug. Inakuwa nira. Le bâton. Ilikuwa ni muti. La verge. Na ilikuya tena bakora. Tu les brises. Je vais voir quelqu'un briser la sorcellerie, briser les jougs, briser les bâtons, la maladie, brise. Fais la dernière prière. Mina funja. Kongo yote. Mina funja. Fimbo yote. Mina funja. Verge yote. Inapika makuta yango. Inapika ministeri yango. Mina funja. Brise. Brise. Les jougs de Madian. Brise. Brise. Brise. Brise, brise, oh, brise, brise, brise, oh, brise. Reçois maintenant l'apparition de l'œil. Reçois maintenant l'apparition de Dieu. Si Dieu apparaît maintenant dans ta vie, un, c'est pour briser les jougs. Deux, c'est pour faire de toi non un historien de Dieu, mais un surnaturel de Dieu. Parce que Gédéon connaissait ce que Dieu a fait dans le passé, mais il ne connaissait pas ce que Dieu peut faire avec lui. Ce soir, je te connecte à la grâce. Je te connecte à la grâce. Je te connecte. Tu ne raconteras pas les histoires de tes pères. C'est à toi qu'on va raconter tes histoires. C'est toi qui vas faire des histoires. Tu me donnes amen. Tu lèves ta main. Que l'ange tourne maintenant vers toi. Gédéon connaissait la Bible de leur histoire. Gideon alijua tena Biblia ya hadithi yao. Comment Dieu les avait aidés. Namna gani Mungu aliwasaidia. L'apparition. Kuonekana. Vient arrêter l'histoire. Kunakuya kusimamisha hadithi. Vient réaliser les exploits dans ta vie. Inakuya kuleta ukweli vitu maisha yako. Toi qui connais l'histoire. Wewe unajua tena historia. Et ce que Dieu a fait avec les autres. Ya ile Mungu alifanya na wengine. Que Dieu apparaisse maintenant dans ta vie. Na Mungu aonekane sasa maisha yako. Que Dieu apparaisse dans ta vie. Haonekane sasa maisha yako. Que Dieu apparaisse dans ta vie. Haonekane maisha yako. Que ta vie commence à recevoir. Maisha yako yaanze kupokea. Une autre vitesse. La force de Dieu, c'est la masse sur l'accélération. Tu es une masse inerte qui n'a jamais bougé, mais il y a une force qui vient. Commence à bouger, commence à avancer. L'apparition de Dieu dans ta vie. S'il y a des démons, je les chasse. S'il y a la lourdeur, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Là où il y a la maladie, j'ordonne. Recevez l'apparition. Mungu akonekani. Mungu akonekani. C'est toi qui seras l'acteur. Que Dieu bénisse cette journée. La verge, je la brise. Le bâton, je le brise. Le joug, je le brise. Si vous recevez, nous acclamons très fort. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Merci pour votre vitalité. Merci. Merci. On sera là par la grâce de Dieu demain. Accenté tout à quoi pas qu'on aime à mon côté. Et nous voulons ponctuer en faisant les offrandes. Tu n'as pas d'accueil à n'accueillir ta masada. Est-ce qu'on peut apprécier en acclamant très fort, merci. Tu n'as pas d'accueil à coucher par coffee. Il nous arrive aussi de connaître l'histoire de Wesley, de connaître l'histoire de ce tel pasteur. L'apparition vient faire de toi l'acteur. Si Dieu apparaît, il fait que tu sois l'acteur. On parlera de toi. C'est toi Gédéon. Il ne faut pas que Dieu soit au milieu de nous, mais que soit Dieu apparaisse. Pourquoi les offrandes sont fondamentales dans l'accomplissement de la destinée. Vous avez quelque chose à offrir à Dieu, Karibu. Una kitu kya kumtolea Mungu, approche. Hakuna Mungu kama wewe, nous chantons cela. Kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Pour votre sympathique attention. Nous nous dédions à Dieu et demain nous serons là. Quelqu'un a 10 000 à 20 000, il peut offrir, ça peut couvrir le travail. Vous avez 20 000, recevez l'orientation comme ça. 10 000, 20 000, dépose. Merci. C'est pourquoi Gédéon a offert, c'est pour activer l'apparition. Gideoni aliweza kutoa njoo tena ya kuchokoza kuonekana kwa Mungu. Vous avez 20 000, vous avez 10 000. Merci. Merci pour votre obéissance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne va pas dans les ravins. Reste toujours au térébinthe. C'est la résilience. Il est nakuya tu nikubaki. Biku nakuvinya mais reste. Toi tu restes simplement. Ouais. Même dans l'autre église là, il y a des problèmes. Même dans mon église. Tu ranzaka ma réunion ngine depuis 11h. Nous avons commencé une réunion aux environs de 11h. Pourquoi tu as prêché telle chose? Uriubiria vile nini? Pourquoi tu as prêché sur ça? C'est parce que tu es mais en train de on reste à notre terre vainte. On lève la main. Seigneur Dieu notre Père, merci. Merci pour cette faiblesse que tu as utilisée pour en faire une force. Merci pour nos insuffisances. Merci pour notre vocabulaire faible. Tu t'en es servi pour bénir une âme. Je les remets à toi. toi, ô roi. Que leur chemin de retour soit béni. Préserve-nous des dangers. Je prie pour que tu apparaisses dans le songe de ma sœur, dans la vie de mon frère, pour nous envoyer, pour nous mandater, pour nous doter, pour activer la puissance, la force qui est en nous. Il y a des maladies sur ton peuple, des situations compliquées. Je te prie, ô Dieu, brise ces jougs, brise ces bâtons, brise ces fouets. Nous allons revenir te remercier. C'est au nom de Jésus notre Seigneur. Avec joie, si vous recevez, vous dites amen. Merci beaucoup. Accenté. Akuna Mungu kama wewe. Akuna Mungu kama wewe. Akuna Mungu kama wewe. Akuna, akuna. Akuna. Akuna Mungu kama wewe. Amen. Communiquer tunakuya nayo. On attend et tunamaliza. Kama par exemple kesho Mungu anetufanya neema tunafika mbele ya wakati tunaweza tena